La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques, à partir de 50 $ par semaine. Volvo donnera une deuxième vie aux batteries de véhicules électriques, principalement les autobus. Pronostic encourageant pour les ventes de véhicules électriques dans les prochaines années au Québec, selon Hydro-Québec. Le Canada serait bien positionné pour lutter contre les changements climatiques. Voilà un dernier épisode avant une petite pause pour le temps des fêtes où nous allons célébrer Noël et en même temps faire le top 10 des événements marquants de 2018 accompagné de mes invités spéciaux, François Viau et Mélanie Dugas. Tout ça et bien plus encore dans ce 47e épisode du balado « Silence, on roule ». Finlande, et que les rennes traversent la lande, le vent dans la nuit, au troupeau parle encore de lui. On l'a appelé Nez Rouge, ah comme il était mignon. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, administrateur et webmestre de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que j'anime ce podcast dédié 100% aux voitures électriques et dédié 100% à Noël aujourd'hui. Alors, je vous remercie tout le monde d'être à l'écoute de ce dernier podcast « Silence, on roule » pour 2018. En effet, après la balado-diffusion d'aujourd'hui, on va faire une petite relâche pour reprendre un peu plus tard en janvier, un petit repos bien mérité. Je pense que le temps des fêtes, c'est le temps de ralentir et de prendre du temps avec les gens qu'on aime. C'est vrai autant pour moi que pour vous d'ailleurs. Donc, je vous souhaite vous aussi de pouvoir prendre un petit peu de temps là pour vous et les vôtres, les gens que vous aimez, votre famille, vos amis. Et puis, refaire le plein d'énergie pour être capable de démarrer 2019 du bon pied. Alors, mes amis, aujourd'hui, comme je vous ai dit, un balado qui va être dédié en très grande partie à Noël, aux festivités de Noël et le temps des fêtes. Et c'est rendu maintenant une tradition. Je ne sais pas après combien d'années on peut appeler ça une tradition. Le podcast est relativement jeune, mais on a pris l'habitude à l'AVEC de faire au fil des années une petite rétrospective et un top 10 des événements marquants de l'actualité dans le monde des voitures électriques. Et on fera pas exception cette année, donc on va avoir là une portion de l'émission qui va être dédiée à ce top 10 des événements les plus marquants de 2018, ce qui a fait que le monde de la voiture électrique est ce qu'il est aujourd'hui. Donc on va essayer de faire ça là, en toute simplicité, de façon très décontractée avec nos invités un peu plus tard aujourd'hui. Je vous rappelle que le balado Silence on roule est disponible évidemment sur le site web de l'AVEC, donc au www.aveq.ca/silence, mais également et surtout, donc je vous conseille de prendre cette façon-là en vous y abonnant avec vos outils, vos logiciels là, de curation pour les podcasts, que ce soit sur les appareils Android, sur Google Play ou encore sur les appareils Apple avec le iTunes Store. Donc quand vous allez avec l'application balado, vous pouvez vous enregistrer, vous abonner gratuitement. Ça coûte rien, hein, je le dis pas toujours, là, mais ça coûte absolument rien de s'y abonner avec le podcast Silence, on roule. Ce que ça vous donne comme avantage, c'est que vous recevez automatiquement les balados sur votre appareil sans avoir à aller les chercher. En plus, vous les recevez plus vite que les gens qui les écoutent via le site web parce qu'on les rend disponibles par balado-diffusion plus rapidement. Donc, c'est tout à votre avantage de le faire. En passant, si vous allez sur le iTunes Store, si vous pouvez nous coter, nous mettre 5 étoiles, ça nous aide à rendre le podcast plus populaire, ça le fait remonter dans la liste des podcasts populaires en fait, et il sera vu par un plus grand nombre de personnes. Cette semaine, j'aimerais remercier Régis Guertin qui nous a écrit. Régis nous a fait des bonnes suggestions. J'ai bien pris en note les suggestions, Régis, et sois certain qu'on va porter une attention particulière à ce que tu nous as mentionné. Et puis, on te remercie par le fait même d'être à l'écoute du balado. Si vous voulez m'écrire, me faire des suggestions, des commentaires, vous le faites tout simplement au www.avq.ca/silence. Là, sur notre page, on a les informations pour m'écrire ou encore directement à martin@aveq.ca. Donc, le plan de match aujourd'hui, c'est fort simple. On va avoir quelques actualités dans les deux dernières semaines, donc des petites nouveautés dans le monde de la voiture électrique. On va passer à travers tout ça et on va laisser ensuite libre place pour toute la suite de l'épisode pour notre spécial des faits marquants de 2018 en électromobilité. Donc, sans plus tarder, allons tout de suite aux nouvelles, aux actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous avez une entreprise qui œuvre dans le domaine des voitures électriques. Vous aimeriez faire de la publicité là où l'auditoire est constitué à 100% d'adeptes de véhicules électriques? Écrivez-nous à info@aveq.ca afin d'avoir toutes les modalités de publicité, autant dans la balado-diffusion que sur notre site web et nos autres médiums. Alors qu'on se demande souvent quoi faire avec les batteries de véhicules électriques une fois que le véhicule électrique sera rendu à la fin de sa vie utile, on apprend que la compagnie autobus Volvo veut donner une seconde vie aux batteries. En fait, on veut utiliser les vieilles batteries d'autobus pour alimenter des bâtiments. Autobus Volvo lance un nouveau projet de recherche sur la deuxième vie des batteries, probablement le premier en Europe, la première entreprise en Europe qui fait des démarches en ce sens, les batteries d'autobus électriques étant la cible de l'étude en question. Les possibilités d'utiliser des batteries de véhicules électriques après avoir perdu 20 ou 30% de leur capacité initiale est toujours hypothétique car à ce jour, il n'y a pas assez de vieils autobus pour vraiment voir comment on va utiliser ce qu'on va faire avec ces vieilles batteries-là, donc de donner des projets concrets. Volvo utilise 14 modules, 200 kWh au total, provenant d'un bus électrique usagé sur la ligne 55 à Göteborg en Suède. Chez Volvo, on souhaite combiner les piles avec de l'énergie solaire dans un complexe d'appartements afin de réduire la consommation d'énergie pendant les périodes de pointe et de stocker l'excédent d'énergie solaire pendant la période où la production est faible et le surplus pourra ensuite être revendu au réseau électrique local. Le passage aux véhicules électriques fait des progrès constants dans le monde entier et les entreprises des différents pays s'alignent sur des objectifs de croissance ambitieux. Mais une nouvelle bataille entre la Californie et l'administration Trump sur les politiques relatives aux véhicules électriques jette les plans nord-américains dans la tourmente. L'un des principaux acteurs mondiaux dans la promotion du véhicule zéro émission est l'Alliance ZEV, un consortium de 14 pays et gouvernements internationaux d'Europe et d'Amérique du Nord. Les membres de l'Alliance, qui comptent désormais 9 États américains, 2 provinces canadiennes, 1 État allemand et 4 pays européens, se sont engagés pour 2050. Leurs objectifs sont de mettre 10 millions de véhicules électriques sur les routes d'ici 2025 et 20 millions d'ici 2030. Lors du sommet mondial sur l'action pour le climat tenu en septembre, l'Alliance ZEV a accueilli le Baden-Württemberg, berceau du moteur à combustion interne et au cœur de l'industrie automobile allemande, ainsi que l'État de Washington en tant que nouveau membre. Les principaux constructeurs automobiles mondiaux se sont fixés des objectifs, soit 15 millions de véhicules électriques supplémentaires d'ici 2025, selon les chiffres du Centre international pour le transport propre. Selon Hydro-Québec, la poussée des ventes d'ici quelques années fera en sorte que le nombre de véhicules électriques pourrait atteindre les 40 000 en 2020, 117 000 en 2023, puis 319 000 en 2026. En 2017, 4,76 millions d'automobiles et de camions légers circulaient sur les routes du Québec. Selon les données publiées par la Société d'assurance automobile du Québec, Les 380 000 voitures 100% électriques prévues au Québec n'incluent pas les voitures hybrides rechargeables, c'est-à-dire des modèles comme la Chevrolet Volt, par exemple, ou la Prius Prime, dotées à la fois d'une autonomie complètement électrique et d'un moteur à combustion. En ajoutant cette deuxième catégorie de véhicules rechargeables dans le scénario 2027, on augmenterait à 499 000 véhicules électriques, selon le porte-parole d'Hydro-Québec, Louis-Olivier Batty. Le Québec compte actuellement environ entre 35 et 40 000 véhicules électriques et si les prévisions se réalisent, plus de 10 % des voitures sur les routes du Québec seront électriques d'ici 2027. Le Danemark, les Royaumes-Unis et le Canada seraient les chefs de file mondiaux en matière de mise en œuvre de mesures d'atténuation du changement climatique, selon une nouvelle étude publiée tôt ce mois-ci lors de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique, la COP24, actuellement en cours à Katowice, en Pologne. On a évalué 25 pays qui représentent 80 % de la population mondiale. On a analysé plusieurs scénarios de décarbonisation à l'échelle mondiale afin d'identifier les 5 technologies et mesures critiques systématiquement utilisées pour limiter les changements climatiques à moins de 2 degrés C. Et les chercheurs ont également compilé des bases de données internationales pour étudier le progrès réalisé par les pays du monde entier, les 5 indicateurs de performance identifiés par les chercheurs par rapport à lesquels ils ont mesuré leurs 25 pays sont l'énergie propre, la combustion fossile, l'utilisation et la vente de véhicules électriques, la capacité de stockage de carbone, l'efficacité énergétique des ménages, des bâtiments et des transports. Et dans l'ensemble des 5 régions, le Danemark est en tête, suivi de près du Royaume-Uni et la deuxième place. Et le Canada, lui, est en troisième place. Et c'est parti pour notre décompte des fêtes, les 10 événements marquants dans le monde de l'électromobilité pour 2018. Je ne serai pas ça seul, je suis accompagné ce soir de deux acolytes. Le premier, François Viaud de Belœil. Bonjour François. Bonjour Martin. En forme? En forme, merci. Oui, tu as fait ton décompte et tes 10 événements marquants. Eh oui, comme la tradition le veut. Merci encore pour l'invitation. Écoute, ça me fait plaisir. On passe vite, nous autres, des traditions. Après deux fois, c'est rendu une tradition. Moi, je soupçonne que c'est pas le décompte comme la bière qu'on prend en faisant ça, qui est le leitmotiv. On en profite pour finir l'année en beauté. Tout à fait. Et on est accompagné ce soir de Mélanie Dugas de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour, Mélanie. Bonjour, Martin. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Ben oui, une nouvelle électromobiliste, quoi, un an d'expérience, là, exactement, ou à peu près? Un petit peu plus d'un an depuis le 2 novembre, en fait. Bon, good. Et puis, Mélanie se joint à nous à la fois pour donner un œil nouveau sur les thèmes qu'on va traiter. Puis également, on ne se le cachera pas, mettre un peu de féminin dans nos analyses, hein, qui sont parfois un peu trop masculines. Ben François? Oui, effectivement. Bon, on balance le tout, c'est exactement. Excellent. Et écoutez, je fais un peu la mise en place pour que tout le monde comprenne bien. C'est un décompte, donc c'est les 10 événements marquants selon François Viaud. Hein? Donc, on a tous chacun notre perception de quels pourraient être les événements les plus marquants de l'année 2018. C'est, je pense, des événements marquants, en effet, que tu vas nous amener, François. Important de dire qu'on ne va pas les nommer en ordre chronologique dans lequel les événements sont arrivés, mais plutôt en termes d'importance, c'est-à-dire que c'est un décompte, donc on s'en va vers le plus important, donc du dixième moins important, aller jusqu'au plus important. Donc, c'est l'ordre avec lequel on les décline, mais un peut être arrivé avant ou après l'autre, ce n'est pas nécessairement le critère. Exactement. C'est fait à la bonne franquette, comme on dit. Et fait particulier, je dois le mentionner, je me suis basé sur tes podcasts pour aller chercher l'information, parce que c'est quand même assez pratique d'aller voir les podcasts, chaque podcast, et voir le résumé de chaque deux semaines, ou à peu près, là, qu'il y avait à chaque podcast. Donc, ça a été assez utile pour ça. Excellent. Ben écoute, on va faire ça comme ça. Puis les gens qui s'intéressent, il y aura également entre Noël et le jour de l'an, là, on publiera sur le site de l'AVEC un article qui reprendra ces 10 événements-là, ouais, avec des liens, des hyperliens pour aller lire des textes qui ont été publiés en lien avec ces sujets-là. Donc, si vous voulez en apprendre plus, s'il y a un thème qui vous intéresse plus, vous pourrez aller chercher un petit peu plus d'informations. Alors, comme tout bon décompte, là, évidemment, on n'aura pas un petit thème avec quelqu'un qui va nous chanter ça de 10 à 1. Mais on va commencer par le 10e et en s'en allant vers le premier. Donc, si on part avec le 10e, François, quel est le 10e événement le plus important selon toi en 2018? Bon, le 10e, c'est drôle parce que ça part vraiment avec le début de l'année. Là, c'est pas en ordre chronologique, mais malgré tout, ça a été l'hiver extrême. En fait, l'hiver a commencé de façon assez glaciale, c'est pour ceux qui s'en rappellent. Surtout les électromobilistes, là, au mois de fin décembre, début janvier. Là, on parle bien d'il y a un an, hein, parce qu'on a eu un début d'hiver assez glacial aussi cette année, oui. Mais on parle vraiment d'il y a un an. On parle d'il y a un an, il y a eu une vague de froid historique au Québec du 26 décembre au 7 janvier, pour être plus précis. Et ça a donné lieu à divers articles, justement, sur la capacité des véhicules électriques à fonctionner ou bien fonctionner au niveau du froid extrême. Et il y a eu beaucoup de réactions face aux électromobilistes, face à la population. Je me rappelle que l'AVEC a été très, très, très impliqué aussi au niveau des médias à ce moment-là. Rectification de fait. Rectification. Donc, oui, ça a été assez particulier là, comme début d'hiver. Ouais. Ça a été un hiver froid, je pense, dans l'ensemble. Oui, mais le mois de décembre, fin décembre, le temps des fêtes a été... Ça a commencé raide. Ouais. Avant de te donner mon opinion, Mélanie, tu venais d'avoir ton auto, toi, cette étape? Exactement, le 2 novembre. Donc, ça a été vraiment mon premier hiver, mon initiation, mon baptême. Exactement, avec ce froid-là. Mais moi, j'ai trouvé que ça allait tellement bien de démarrer mon auto le matin, de partir aussi facilement qu'en été. Puis de lire tout ça, ça me rejoignait vraiment. J'étais sensibilisée à ça, puis je comprenais pas autant pourquoi il y avait autant de désinformations, ouais, comme, ouais, ça autour de ces véhicules-là. Ça a été merveilleux, mon hiver. Pas eu de problème. Pas eu de problème. Ça a été ma meilleure expérience depuis que je conduis, en fait. D'autant j'ai adoré. Que toi, tu as été mis dans le monde de l'électromobilité rapidement. Fait que tu n'avais, oui, pas tant d'informations que ça. Non. Puis malgré ça, tu as passé un bon hiver. Exactement. Avec ta Hyundai. C'est pernicieux parce que c'est des événements qui sont à la fois un mélange de vrai et de faux. Oui. C'est-à-dire que c'est vrai que le froid affecte les véhicules électriques l'hiver, mais c'est faux qu'ils ne démarrent pas puis qu'on n'est plus capable de les utiliser. Donc, il a fait très froid. Il y a des électromobilistes mal informés qui ont été surpris de la baisse d'autonomie de leur véhicule par grand froid. Ces gens-là en ont parlé haut et fort. Certains médias ont repris l'information, mais parfois, en la véhiculant, comme si le véhicule fonctionnait plus ou était non fonctionnel ou, en tout cas, plus utilisable parce qu'il faisait froid, comme s'il arrêtait là, un auto qui ne démarre pas. Là. Exactement. Et c'était pas le cas. Moi, j'étais particulièrement happé par ça parce que c'est arrivé vraiment dans le temps de Noël. Puis là, il est venu une vague d'interviews qui est tombée dans des journées où moi, j'avais des parties de famille. Là, puis je me rappelle, ma conjointe pourrait te le dire, les enfants étaient dans l'auto, puis j'ai reçu un téléphone de Radio-Canada, puis j'ai fait une entrevue avec Radio-Canada Montréal et Radio-Canada Vancouver par Skype. Pendant qu'eux autres, ils attendaient dans l'auto, qui n'était pas supposé partir en passant, parce que c'était une auto électrique, mais elle fonctionnait très bien. Puis je donnais une conférence, pas une conférence, mais une entrevue par Skype, dont certains extraits avaient été repris au téléjournal le soir même. Et il y avait eu aussi des pseudo-spécialistes qui s'étaient prononcés sur le sujet, et il avait fallu aussi, c'est toujours le bout un peu plus délicat dans lequel parfois l'AVEC est obligé de se mêler, mais de rectifier des faits auprès de gens qui ont techniquement une certaine crédibilité. Là, tu es obligé de les contredire publiquement. C'est pas agréable pour eux, c'est pas agréable pour nous autres, c'est pas agréable pour personne. Fait que ça reste qu'effectivement, c'est un événement marquant pour tous les nouveaux électromobilistes qui pouvaient avoir l'impression, l'espace d'un deux semaines, que c'était vraiment pénible d'avoir une auto électrique, alors que bon, on allait moins loin, mais on y allait pareil. Hein? On y allait pareil. Exactement. Contrairement à beaucoup de véhicules à essence, que on en a vu beaucoup de ça aussi dans les journaux, de combien de véhicules à essence ne démarraient pas, tout simplement, alors que les véhicules électriques, c'est ça qu'on essayait de propager comme information, c'est branché par défaut, donc ça allume, ça démarre pas, ça s'allume comme une lumière, dans le fond, allume à moins 30 ou plus 30 en été. Donc, il y a eu, comme tu dis, beaucoup de rectifications, mais finalement, tout le monde s'en est sorti. Ouais, ça c'est indemne. Écoute, on peut passer à ton 9e point, mon cher ami? Oui, alors 9e point, c'est Laval qui arrive avec une subvention additionnelle pour les véhicules électriques à raison de 2 000 $ par véhicule. Donc, c'est la première ville au Québec à emprunter cette direction-là. Et c'est seulement, il faut le mentionner, préciser que c'est seulement pour les véhicules 100% électriques. Donc, c'est un 2 000 $ qui s'ajoute à la subvention de 8 000 $ du gouvernement du Québec. Et ça a tellement fonctionné, cette subvention-là, qu'en 6 mois, le fonds qui avait été prévu pour ces subventions-là était vide. Il y a eu donc un total de 163 demandes qui ont été faites à la ville de Laval, donc de résidents de Laval, évidemment. Et il y avait également un 400 $ pour les véhicules, pour les vélos électriques qui étaient donnés. Donc, 221 demandes aussi à ce niveau-là. Alors, suite à ça, je pense que c'est en octobre qu'il a été ajouté 400 000 $ au programme. Oui, pas mal de mer, ça a ajouté 400 000 $. Oui, permettre à d'autres électromobilistes de profiter de cette subvention-là. Alors, probablement pour une prochaine année au niveau de la ville de Laval. C'est une belle initiative, la ville de Laval, en tout cas. Ils sont pas mal dans les seuls. Il y a certaines municipalités qui ont des subventions pour les bornes ou des trucs comme ça. Pour les véhicules, c'est assez unique. C'est la première à faire ça. Ouais. C'est une ville qui est résolument investie dans l'électromobilité. Là, ils ont fait un forum sur la mobilité durable il n'y a pas longtemps. Ils ont des autobus électriques qui vont en acheter des nouveaux, qui vont s'ajouter à la flotte. Ils ont donc une très grande sensibilité de la ville pour ça. Absolument. Donc, c'est extraordinaire. Moi, je ne sais pas comment vous pensez, comment vous trouvez ça, mais moi, avoir une ville qui m'offrirait ça, je dirais pas non. Hein? Moi, ça a été un gros wow, pour vrai. J'avais, j'avais presque le goût de déménager à Laval. Oui, tout le monde avait le goût de déménager à Laval pour ça. Mais même, il y a Laval, mais si on pense aussi même aux entreprises Cascade. Exact. Cascade qui est partie finalement, qui a fait un beau projet pilote avec ses employés d'offrir 2 000 $ par employé. Je ne sais pas si c'est encore un projet pilote à Kinsey Falls. Le projet est encore là. J'ai un petit scoop après les fêtes. Il va y avoir un épisode où on a une entrevue avec des entreprises qui ont des programmes, dont les gens de Cascade. Que j'ai, l'entrevue est déjà faite, c'est pour ça que j'en parle. Okay. Fait que, il y a les gens de Cascade qui nous parlent de leur programme, puis ça a très bien marché. Là. Vous allez être surpris de combien d'électromobilistes à combien ils sont rendus en un an avec ce programme-là. Je pense que vous allez tomber en bas de votre chaise. Ben, si ça fonctionnait à ce point-là au niveau de la ville de Laval, j'imagine qu'à chez Cascade, parce que je pense qu'il y avait installé aussi une vingtaine de bornes de recharge pour les employés additionnés à tout ça, plus une BRCC aussi, je pense, pour le public. C'est pas au niveau public, exactement, gratuite. Gratuite, en plus. Ouais. Donc, on veut en parler, puis on veut qu'il y ait plus de villes et de compagnies qui adhèrent. Tout à fait. Tout à fait. Un gros thumbs up pour la ville de Laval. Exactement. On espère que ça va donner l'idée à d'autres villes. Puis, j'aimerais, puis c'est un peu ce qu'on a fait avec les gens de Cascade qui m'ont fourni de la documentation sur leur programme, comment ils l'ont construit. Mm-hmm. Ils ont même un guide à l'intention des utilisateurs des bornes, comment se partager les bornes, comment ils ont fait une matrice de priorité de recharge. Vraiment, c'est écœurant. J'ai hâte de vous rendre ça disponible. Ouais, vous allez vraiment aimer ça. Mais j'ai hâte aussi que Laval puisse nous faire un bilan puis nous dire, ben voici ce que ça a coûté, voici ce qu'on évalue que ça a rapporté aussi, parce qu'il y a des gains. Les villes ont presque toutes, là, en fait, ont toutes des objectifs de décarbonisation, puis des gestes comme ceux-là, ben ça s'inscrit directement dans ces programmes-là. Donc, d'être capable d'avoir, après coup, là, une petite analyse des retombées du programme. Oui, ça a coûté des sous, mais ça a aussi des retombées. Il faut être capable de le quantifier. Ouais. Exact. Point 8, mon cher François. Point 8, eh bien, une deuxième édition pour 2 salons de véhicules électriques, soit celui de Montréal et de Saint-Hyacinthe. On se rappelle que la première édition de chacun de ces salons-là avait généré beaucoup, beaucoup d'intérêt, puis ça avait été très populaire. Si on regarde les chiffres au niveau du salon du véhicule électrique de Montréal qui se passe en avril, il y a eu 18 000 visiteurs en 2018, donc au dernier salon. C'est 35% de plus par rapport au premier salon. Et au niveau de Saint-Hyacinthe, en 2018, c'était 16 000 visiteurs. Également 35% de plus de clientèle que le salon de 2017. Et ce qui est intéressant aussi, c'est probablement Au niveau des véhicules aussi, il y a eu une augmentation des véhicules disponibles qui étaient sur le marché et qui paraissaient dans ces salons-là, ce qui était encore, qui les rendait encore plus intéressants parce que plus on avance à chaque année, plus il y a de véhicules de disponibles, plus il y a de modèles, plus il y a de compagnies qui s'impliquent au niveau de l'électrification des transports. Donc, tout ça en fond des salons encore plus gros à chaque année. Ouais. On était là, nous, l'AVEC, pour ces deux salons-là. On est là, les deux, en fait, première année, deuxième année aussi. Puis on a vu l'achalandage aux essais routiers. Mélanie, tu étais là, hein? Exactement. Ben, en fait, moi, mon premier bain de foule aurait été au salon du véhicule électrique de Montréal en tant que visiteur, tout simplement. Et c'est là où j'ai fait la rencontre Martin, entre autres, et les autres bénévoles de l'AVEC qui étaient sur place. J'ai pu constater l'engouement qu'il y avait autour des véhicules électriques, les concessionnaires qui étaient sur place aussi, les fabricants qui étaient bien représentés, les conférences de l'AVEC aussi, qui étaient assez courues. Et j'ai été surprise vraiment de voir ce qu'il en était. Au niveau du salon de Saint-Hyacinthe, là, oui, je l'ai vécu autrement. J'étais impliquée avec l'Association des véhicules électriques du Québec et j'étais aux essais routiers. Il y en a eu des essais routiers, c'était un feu roulant tout le week-end. Toi, tu parles de cette année. Cette année, okay. Oui, oui, cette année, ça a été assez incroyable. On n'a pas chômé, mais c'était, on était fatigués, mais c'était une belle fatigue. Ça a été tellement une belle énergie qui était là, de voir les gens qui sont intéressés. Ouais. Qui posent des questions, qui sont ouverts. On voit vraiment là, que l'avenir est au véhicule électrique. C'est le fun parce que, pas juste dans les salons, partout quand tu fais essayer les véhicules, c'est juste que dans le salon, tu le fais intensément du matin au soir. Ouais. C'est rare que les gens sont déçus de leur essai. Peu importe, tu as une auto en tête, tu peux dire « j'aimais mieux celle-là, moins celle-là », mais ça reste que les gens sont toujours... Il y a toujours un feeling de faire découvrir une auto électrique à quelqu'un qui ne connaît pas ça, ou... Il est surpris, même si c'est un petit modèle qui ne l'intéresse pas, les gens sont surpris à quel point c'est efficace, c'est performant, c'est prime, ça a du cœur au ventre, ça réalise. Puis c'était intéressant de voir, pour les chiffres, il y a eu cette année au salon de Saint-Hyacinthe 1060 essais versus 800 par rapport à l'année précédente. Donc c'est quand même beaucoup d'essais pour une fin de semaine. Ouais. Puis, ce qui est intéressant, moi, j'étais au salon au niveau du kiosque de Nissan et puis je répondais aux questions des gens qui venaient au kiosque. Puis, j'ai eu beaucoup de monde qui venait pour voir, pour s'informer pour une première fois, autant que tu avais des gens qui venaient acheter, qui étaient au processus d'achat, puis ils venaient essayer les véhicules. Fait que c'était pas rare de voir quelqu'un qui arrivait puis dit « bon, ben moi, j'ai essayé telle voiture et puis là, mon choix est fait. Là, j'ai pu les essayer. » C'était une place parfaite pour essayer toutes les voitures et avoir toute l'information que tu avais besoin. Donc, je pense qu'en tout cas, personnellement, je crois que ces salons-là répondent vraiment à un besoin, en plus de tous les autres événements. Mais c'est que c'est un salon où tu as tout de regrouper au même endroit, autant au niveau des bornes. Puis les gens ont besoin d'informations. Évidemment. Moi, j'ai donné des conférences à tous ces salons-là, mais au dernier de Saint-Hyacinthe dont tu parles, j'en ai donné. Puis à un moment donné, un matin, je me souviens plus, je pense que c'est le dimanche, je suis allé au salon puis je suis arrivé comme 3 heures d'avance. Puis finalement, j'ai comme passé 2 heures au kiosque avec toi où j'ai donné de l'information. Puis maintenant, je disais, ça fait 2 heures, je parle avec du monde, puis je donne de l'info. Feu roulant. Ouais, il y avait beaucoup d'engouement. Puis quand les voitures sont disponibles et les gens le savent, ben là, ça vaut la peine. Tu sais, trop d'années, les gens venaient dans des salons puis disaient, ben beau me donner de l'info, mais on n'est pas capable d'acheter les autos. Exactement. Là, il y en avait des autos. Exactement, et c'était le cas en 2017, l'année précédente, parce que c'était intéressant, il y avait beaucoup de monde, mais malheureusement, il n'y avait rien de disponible ou à peu près pas dans aucun modèle. Donc, ça a été une année comme de transition, si on veut, alors qu'en 2018, là, on va y arriver plus loin, mais l'Ontario avait coupé les subventions. Ouais. Alors, on s'est retrouvé avec un surplus d'inventaire. Ouais. Et puis ça a été intéressant pour ça. Ouais, exactement. On est déjà rendu à la 7e position, qui est? Alors, 7e position, c'est une loi qui est passée et qui a fait une grosse différence, je crois, au niveau des électromobilistes qui utilisent les bornes de recharge. C'est la loi au niveau du, on appelle ça le vachage de bornes, donc de stationner illégalement dans un emplacement pour une borne de recharge sans être branché, sans utiliser la borne comme telle. Alors, c'est en vigueur depuis le mois de mai et c'est ce qui fait que maintenant, tout véhicule qui se stationne dans un emplacement de borne de recharge qui ne se branche pas, sera passible d'une amende qui varie entre 100 et 200 $. Alors, c'est quand même arrivé à point parce que je pense que ça fait longtemps que les gens attendaient ça, les électromobilistes. Ouais, ouais, combien de fois on a vu une voiture à essence ou encore une voiture électrique se stationner sans utiliser la borne de recharge et bloquer l'emplacement. Donc, t'empêches quelqu'un de l'utiliser ce pour quoi c'est conçu, c'est-à-dire se charger en étant stationné là de façon maintenant illégale. Pour les gens qui se posent la question, c'est l'article 388,1 du Code de la sécurité routière. Et puis... Il s'en donne l'étiquette. Il s'en donne. Écoute, on s'entend que, bon, il y a plusieurs groupes sur Facebook au niveau des stationnements illégaux de bornes. Je pense que c'est les vacheurs de bornes. Ouais. ça dépasse les bornes, ou en tout cas, c'est ces endroits-là où que les gens peuvent poster des photos. Ouais. celui des cœurs. On va dire comme c'est ça. Ils peuvent ventiler, puis poster des photos, pour dire bon, un autre qui se stationne et qui n'est pas branché. Mais écoute, je te dirais que c'est 50-50. Des véhicules à essence et des véhicules électriques. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est des stationnements réservés pour les véhicules électriques, un peu comme les stationnements pour les femmes enceintes proches des entrées des hôpitaux. Je suis enceinte, je peux me stationner là, mais c'est des stationnements pour les véhicules électriques en recharge. Donc, si tu n'as pas de chargé, ça n'a pas besoin de te charger, mais toi, pas là, laisse la place pour quelqu'un qui en a de besoin. Et puis, il s'en donne. C'est comme je disais, il s'en donne des contraventions. Il y a des gens qui se sont presque donné comme mission d'être des Robins des Bois, puis de spotter toutes les autos qui sont là où ils ne devraient pas, puis d'appeler la police pour faire donner des étiquettes. C'est sûr que c'est pas toujours la priorité des policiers de venir donner une étiquette à une auto, mais quand il y a des patrouilleurs ou des gens dont la job, là, ce qu'on appelle les aubergines à Montréal, là, dont la job est de donner des contraventions de stationnement, là, les petites voitures de stationnement, c'est certain que c'est payant, là. Si t'en donnes des contraventions, Martin, mais c'est, il reste que ça fait quand même 7 mois que cette loi-là est en vigueur. Puis on voit qu'il y a quand même encore... c'est encore difficile de faire appliquer cette loi-là dans certaines régions. Il y a des secteurs où les autorités en place ne semblent pas encore assez au fait ou ne maîtrisent pas encore suffisamment l'article de loi. On le voit ça aussi sur les réseaux sociaux. Il y en a encore là, qui montrent l'article de loi aux autorités pour pouvoir les faire les appliquer. Ouais, qu'ils traînent. Je l'ai dans mon auto, moi, je vais le traîner au besoin. La fameuse zone grise aussi, là, à savoir est-ce qu'on doit être en recharge, est-ce qu'on doit être branché, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc, Dans le cas de la plupart des bornes niveau 2, pour être capable de prendre la borne, il a fallu que tu utilises ta carte pour débloquer la porte. Donc, techniquement, tu as été facturé. Même si ta recharge est terminée et tu es là, tu payes encore, c'est ça. Mais on peut très bien penser que quelqu'un pourrait se stationner devant une borne niveau 3, donc une borne rapide, prendre le pistolet, le brancher dans l'auto, ne jamais déclencher la recharge. Si on prend la loi au pied de la lettre telle que c'est écrit, j'ai une voiture électrique puis je suis branché. Exactement. Donc, normalement, je respecterais la loi, mais l'esprit, on comprend tous ce que ça veut dire. T'es là parce que tu te charges. Tu sais, faut vraiment être mal intentionné pour bloquer la borne de recharge rapide. Stationner devant puis pas de branche. Puis on en a vu. On en a vu des cas comme ça. Puis c'est dur de dire est-ce que c'était vraiment l'intention derrière ce qu'on voit sur la photo ou la personne s'est branchée, la session a mal parti. Mais il y a de ça aussi, hein, puis on le néglige souvent, là, mais il y a beaucoup de gens maintenant qui vont chez le concessionnaire, qui s'achètent la voiture, ils l'ont 2 jours après, ils ne sont jamais allés sur aucun forum, sur aucun site, ils n'ont pas eu aucune information, ils ne savent même pas la première fois qu'ils arrivent à la borne que ça prend une carte ou une application pour la démarrer, ils ne comprennent pas, ils sont avec leur carte de crédit. Faut pas se surprendre que ces gens-là soient ils voient une belle petite marque avec un symbole d'auto électrique avec de la peinture verte. Eux autres, ils disent, tiens, je peux me stationner là. Sauf qu'on apprend la dure des fois. Ça rejoint un peu ce que Mélanie disait. C'est tellement. Je comprends pas qu'on en a pas parlé plus au niveau public parce que non seulement les électromobilistes sont même pas l'air de tout être au courant, donc se stationnent là, comme prennent un stationnement comme VIP, si on veut, en se disant qu'ils ont le droit de se stationner parce qu'ils ont une voiture électrique. Mais aussi le reste de la population qui se retrouve avec une contravention de 100, 160 $, 200 $ sous le nez. en apprenant à la dure qu'il n'y avait pas d'affaires. Ouais, là, ouais. Il y en a qui sont pas contents. Non, effectivement. Il y avait un article il y a quelques jours ou semaines. Dans mon patelin, justement, ouais. Près de chez moi. Puis, c'est une nouvelle borne, un nouveau stationnement. La personne ne le savait pas, est allée déjeuner, puis est revenue. Ouais. Elle s'est dit, ça fait 10 ans que je stationne là. Puis là son déjeuner il a coûté plus cher que prévu ce matin-là. Des fois, donc, c'est la signalisation aussi qui n'est pas toujours facile à comprendre. Ouais. On parle de stationnement réservé aux véhicules électriques sans mentionner nécessairement qu'il doit être branché en recharge, tout à fait. Tout ça, tout donc il y a encore une amélioration à apporter de ce côté-là. Parce que je vais juste regarder ici, il y a une épicerie avec des bornes, puis souvent je dis aux gens, pas le droit de stationner là. Mm-hmm. Ah, ils l'avaient même pas vu. Exact. Ça veut dire que la borne est après le mur, puis la façon dont elle est faite là, c'est quelqu'un qui connaît pas ça, je veux dire, ça peut avoir l'air d'une machine pour mettre de l'air dans un pneu, ça peut avoir, tu comprends, c'est, il y a des gens qui peuvent tout simplement ne pas le voir. Le marquage était à moitié effacé. Ouais, l'hiver, le marquage, tu le vois pas parce qu'il y a de la neige par-dessus. Il faut s'entendre aussi que, tu sais, il y a des stationnements de bornes qui sont vraiment plus propices à être inviter le monde à se stationner de façon illégale. Par exemple, je pense à tous les stationnements de rue à Montréal où, en partant, il manque du stationnement à Montréal dans les rues. C'est pas rare de voir des cas comme ça. Ou encore, les BRCC dans les centres commerciaux. Je veux dire, combien de fois qu'on voit des photos passées? Au 10-30, Fairview, Carrefour Laval, etc. Ouais. Alors, je pense qu'avec le temps, les gens vont finir par effectivement, comprendre. Mais la loi est déjà un grand pas, donc je peux comprendre que ça fait partie de ton top 10, mon cher François. En sixième position maintenant. Sixième position, l'avenue du Mitsubishi Outlander PHEV au Canada. Ce qu'on attendait depuis très longtemps, un VUS branchable, 4 roues motrices, qui était disponible, il faut le dire, depuis 2014 en Europe et aux États-Unis, mais que Mitsubishi tardait à nous ont fait languir. Tellement entendu, cette auto-là. Ça fait des années. Les gens n'y croyaient plus. Il y avait des publicités dans le métro, puis les gens ne croyaient pas encore. Encore une autre année. Puis finalement, janvier 2018, il arrive, il débarque. D'ailleurs, il était au salon de Saint-Hyacinthe. Il était au salon de Saint-Hyacinthe et très attendu, très en demande au niveau des essais routiers. On avait 3 ou 4, je pense qu'on avait 4 Mitsubishi Outlander PHEV en essais routiers. Puis vraiment, ça marchait. C'est un véhicule extrêmement attendu. Écoute, c'est un véhicule qui a fracassé des records de vente au Canada. Là. C'est plus de 5000 unités qui ont été vendues au Canada. Et on parle en fait en 11 mois, parce que le mois de décembre n'est pas compris là-dedans. Donc, en 11 mois, 5000 véhicules vendus, dont 47% au Québec seulement. Alors, on connaît l'engouement des Québécois pour les véhicules électriques et maintenant aussi des VUS. Je pense que Mitsubishi a réussi à en rendre passablement une quantité assez importante disponible. Oui, absolument. C'est ce qu'on avait peur. C'est ce qu'on avait peur, oui, effectivement, parce que, bon, on pensait ou on supposait qu'elle allait prioriser, comme la plupart des constructeurs, les États où il y a des lois zéro émission assez sévères, comme aux États-Unis. Donc, qui priorisent ces États-là et qu'on aille moins au Canada, mais ça a été vraiment le contraire. On en a eu beaucoup au Canada, en tout cas, beaucoup plus que j'aurais pensé. C'est quand même assez des chiffres assez impressionnants. Donc, je pense. Faut se le dire, c'est le seul VUS. Non, c'est pas vrai. Je dirais le seul VUS branchable 4x4 disponible dans un prix qui est relativement accessible. Oui, c'est ça. Exclut le modèle X. Tout à fait. Oui, effectivement, c'était très attendu. Puis, Mélanie, dans les salons de l'auto, j'imagine que c'est comme dans tous les événements qu'on fait avec l'AVEC, les gens en demandent des VUS. Là. Les questions qui viennent souvent, c'est. Oui. Sont toutes petites, les auto électriques. Quand est-ce qu'on aura les plus grosses? Les VUS, c'est une des raisons pour laquelle on a fait beaucoup d'essais routiers avec le Mitsubishi Outlander. Puis, en tout cas, en souhaitant qu'il y aura une version électrique éventuellement, parce que c'est sûr que sa portée, son autonomie 100% électrique est quand même plutôt restreinte. Ouais. Mais bon, comme on a un modèle X qui est 100% électrique, on peut juste souhaiter le mieux pour les VUS dans un futur rapproché. Oui, effectivement. Je pense qu'il y a une demande pour les véhicules qui sortent un peu là, du modèle de la compacte ou sous-compacte, là, que ce soit le SUV ou même des petits Jeeps, des petites camionnettes, c'est des genres de trucs qui devraient fonctionner beaucoup. Oui. Écoutez, là-dessus, on va faire une petite pause. On a déjà les 5 premiers sur 10 dénumérés, mes chers amis. On fait une petite pause de quelques instants, puis on vous revient tout de suite avec les derniers éléments du top 10 des événements les plus marquants en électromobilité pour 2018. Vous êtes intéressé à faire le saut pour une voiture électrique? Vous considérez choisir une voiture d'occasion? Rendez-vous chez JN Auto. Avec plus de 35 modèles presque neufs en stock, c'est définitivement le chef de file lorsque vient le temps de vous procurer un véhicule électrique. En plus des prix déjà très compétitifs, JN Auto offre un rabais exclusif aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Une réduction supplémentaire de 299 $ plus taxes sur le prix affiché au financement d'un véhicule entièrement électrique ou hybride rechargeable. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com. Téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement en succursale au 317 route 116 à Richemont, en Estrie. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 35 ans. Alors, nous voilà de retour pour les 5 derniers finalistes. Alors, mon cher François, ton cinquième choix? Le cinquième choix, qui est très récent, en fait, c'est quelque chose qui avait été parlé en début d'année, ou peut-être même un peu avant, puis finalement qui a été officialisé récemment, c'est la fin de production de la Volt, la Chevrolet Volt, donc qui a annoncé qu'il arrêtait la production officiellement en mars 2019. Ça a été suivi de 5 fermetures d'usines de Chevrolet, donc ça a été quand même une triste nouvelle, je dirais, pour plusieurs propriétaires ou futurs propriétaires de Chevrolet Volt, qui a été vraiment une voiture emblématique au niveau de la voiture électrique. Là, on peut pas se le cacher, ça a été dans les premières voitures électriques branchables, disponibles sur le grand marché, aux côtés de la Nissan Leaf. Dans le temps, il y avait la Mitsubishi Miève, donc il y avait vraiment pas beaucoup de choix, et la Chevrolet Volt s'affichait comme une des premières de ce genre à offrir une autonomie électrique quand même considérable, puis ensuite de marcher sur une génératrice à essence. Donc ça offrait l'autonomie électrique qu'on avait généralement besoin pour le trajet de tous les jours. Et ensuite, on tombait sur l'essence, donc aucun problème au niveau de l'autonomie pour les gens. Donc, ça rassurait beaucoup de gens pour l'achat d'un premier véhicule. Ça a été vu au début comme un véhicule transitionnel, si on veut, là, de transition, mais qui avait un marché quand même assez large, là, surtout au Québec. Là. On a vu souvent la Leaf dans les voitures les plus vendues au Québec, il y avait la Leaf, la Chevrolet Volt qui souvent se côtoyaient. Donc, personnellement, je trouve que c'est pas une triste... c'est pas que c'est une triste nouvelle, mais en fait, Chevrolet a annoncé qu'elle allait aller vers des nouveaux véhicules électriques avec la fin de la Chevrolet Volt. Donc, on peut s'attendre peut-être à une transition de ce côté-là. Alors, ça va être à suivre, mais c'est un chapitre qui se termine au niveau de la Volt. Tout à fait. Un gros chapitre. Une question qui me vient à l'esprit, Mélanie, toi, tu as une voiture depuis un an, puis tu n'avais pas d'auto électrique du tout avant. Tu t'es lancé là-dedans. Là. Est-ce que tu as envisagé d'y aller vers une hybride branchable ou une électrique à prolongateur d'autonomie comme la Volt? Ou dans ta tête, c'était clair, c'était du 100% électrique? Ben moi, au départ, si on remonte à un petit peu plus d'un an, je ne savais pas c'était quoi la différence entre une hybride branchable et une électrique. Okay. Hein? Donc, il a fallu que je commence par m'informer à ce niveau-là. Donc, en lisant beaucoup sur les réseaux sociaux, là, finalement, sur différents groupes de propriétaires d'auto électriques, je me rendais compte que souvent, les propriétaires de voitures branchables ou hybrides branchables avaient comme commentaire avoir su... j'aurais pris une 100% électrique. Avec l'expérience que j'ai maintenant, ma prochaine va être une toute électrique. Ouais. Donc ça, ça revenait souvent dans les commentaires que je lisais. Donc moi, ben, ça a fait 1 plus 1 égale 2 dans ma tête. Là. Je me suis dit, pourquoi passer par l'hybride branchable alors que je peux avoir une 100% électrique qui va suffire à mes besoins. Mmh. Évidemment, j'avais quand même une bonne idée de l'autonomie que j'avais besoin à tous les jours. Pour aller travailler, j'ai environ 25 km entre la maison et le travail. Donc, une auto électrique convenait très bien à mes besoins. Et puis, je regrette pas du tout mon achat aujourd'hui. Mm-hmm. Je peux comprendre qu'il y en ait qui voient un pont intéressant entre, finalement, la voiture à essence et la voiture électrique. Ça permet une transition qui est plus en douceur. Ouais, ouais, ouais. Ça permet une sécurité, exactement. Puis, il y en a pour qui c'est nécessaire, malgré tout, que leur besoin d'autonomie dans la journée demande un véhicule branchable. Ouais. 50-60 km au quotidien, mais un chalet à 350 km où on va tous les week-ends, ben là... C'est la voiture. Exactement. Ouais, exactement. Mais celle-là aussi, on le dit de différentes façons depuis tantôt, c'est une voiture qui permet de faire le pont pour les gens qui étaient un peu craintifs. N'eût été de leur vol qu'ils ont eu pendant un an, deux ans, ils n'auraient jamais fait le saut au 100% électrique si vite. Peut-être plus tard, quand les autos ont toutes 500 km d'autonomie, ils auraient dit OK, là, j'ai pas peur. Mais si on veut migrer rapidement, mais qu'on est un peu insécure, je trouve que c'est une porte d'entrée qui était rassurante, qui était intéressante, terrain connu. Fait que des gros avantages, mais aussi les inconvénients des deux types de motorisation. Les gens, le discours de « t'as plus besoin de faire jamais de changement d'huile, t'as plus besoin de mettre de l'essence », ben là, t'as les avantages et les inconvénients des deux types de motorisation dans le même véhicule. Fait qu'il fallait en être conscient, mais je pense que c'est un véhicule qui a eu son rôle à jouer, un rôle très important. Et il ne faut pas oublier qu'ailleurs qu'au Québec, dans certains États américains, entre autres, où l'électricité est produite de façon très sale, il peut être environnementalement parlant plus avantageux de rouler avec une hybride branchable que de rouler avec une 100% électrique. Hein. Donc, il y a certains États américains pour lesquels le business case du côté vert de la voiture électrique était plus facile à faire avec une Volt que ce le serait avec une Nissan Leaf. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, nous, Québécois, qui roulons à 99% avec d'énergie propre, là, c'est dur de se l'imaginer. Hein. Effectivement. Mais, bref. C'est une annonce importante. C'est la fin d'une dynastie. Même, comme je disais tantôt, un gros chapitre qui se ferme. Souhaitons que... Bon, il y a eu des rumeurs par rapport à ça aussi, là, par rapport à cet arrêt de production-là, parce qu'il y en a qui disent que, bon, Chevrolet vont peut-être prendre cette motorisation-là qui est unique, en fait, je pense, à la Volt, là, présentement. Quoique, tu as la i3 également, qui a une génératrice qui fabrique l'électricité avec l'essence, mais la Volt restait unique en son genre par rapport à son type de motorisation qui diffère un peu des hybrides standards qu'on connaît. Ouais. Puis j'espère que Chevrolet va quand même adapter cette motorisation-là, peut-être à d'autres véhicules aussi qui ont dans leur flotte présentement. C'est ce que j'espère voir pour permettre, comme on disait, à des gens de pouvoir goûter à l'électrique. Puis sans avoir de se restreindre dans leur déplacement de longue distance. Tout à fait. Alors, on est rendu au quatrième, on descend tranquillement pas vite, oui, le quatrième événement le plus important de 2018. Oui. Alors, on commence à être dans des événements qui ont quand même marqué pas mal au niveau de l'électromobilité au Québec. Là, on parle ici, dans le quatrième point, du projet de loi pour les 1600 bornes rapides au Québec, qui était précédé d'une pétition de 2000 BRCC en 2020 qui avait été lancée par l'AVEC. Donc, une initiative de Richard Lemelin, à ce moment-là, qui était au CA de l'AVEC. Administrateur de l'AVEC. Et qui avait réussi à avoir les 10 000 signataires pour la pétition. Donc, ce qu'on voulait, dans le fond, c'est dire au gouvernement qu'on souhaitait augmenter le nombre de BRCC au Québec pour atteindre un nombre qui serait suffisant pour les véhicules électriques qui augmentaient aussi et qui commençaient à devenir de plus en plus urgents. Martin, tu vas sûrement pouvoir nous en parler parce que t'es au sein de l'AVEC également, mais de plus en plus de véhicules avec port de recharge rapide arrivaient sur le marché et le manque de BRCC commençait à peser face au système du circuit électrique, dont le système d'affaires que le circuit électrique avait. C'est plusieurs éléments, c'est la conjoncture de plusieurs événements ou éléments en même temps, dans le fond, ce dossier-là. C'est le modèle d'affaires du circuit électrique qui arrivait à sa fin, c'est-à-dire que le maximum qu'on pouvait aller chercher d'un modèle où on demande à un partenaire de payer la moitié d'une borne puis de nous laisser l'installer chez eux, une fois que Saint-Hubert, Ona, Métro puis une couple d'entreprises un peu plus zélées dans le sens où ils ont des convictions assez fortes pour dire « OK, on va investir un 30 000 là-dedans », tu fais le tour assez vite. Hein? Exact. Puis là, quand tu trouves plus personne ou ceux que tu trouves sont super mal situés, ben là, tu as deux choix. Tu n'en installes pas ou tu en installes des mal situés. Tu n'en installes pas, tu te fais dire que tu n'en installes pas. Puis tu les installes mal situés, tu te fais dire que tu les situes mal. Fait que c'est une espèce de catch-22. En même temps, le nombre de voitures qui peuvent se brancher sur des bornes de recharge rapide a passé de 50% à quoi, 80-90% dans le temps de le dire. Ensuite, le nombre de véhicules augmente à un taux plus vite que le nombre de bornes, ce qui fait que le ratio véhicules en circulation dans une région donnée versus le nombre de bornes de recharge disponibles pour les desservir, ce ratio-là se corrompt rapidement parce qu'il y a de plus en plus de voitures, mais il n'y a pas autant de bornes qui croient aussi vite que le nombre de voitures. Donc, on passe de 5 voitures pour une borne à 6 voitures pour une borne à 7 voitures pour une borne. Et là, ce qui arrive, c'est les files d'attente. Exact. Et le circuit électrique est capable de voir pendant l'été les files d'attente à certaines bornes. Donc, tout ça faisait en sorte que, je pense que c'est important de le comprendre, le circuit électrique ne demandait pas mieux que de pouvoir installer plus de bornes, mais était pris avec une réglementation qui l'empêchait de le faire autrement qu'en trouvant des partenaires. Et ça devenait très lourd. Donc, la pétition, sans avoir la prétention que c'est elle-même qui a tout fait le travail, elle a mis une pression certaine, c'est-à-dire que Hydro-Québec mettait de la pression via le circuit électrique, l'AVIC mettait de la pression, évidemment, d'autres groupes aussi mettaient de la pression, puis finalement, ben, cette loi-là qui a changé, qui, dans le fond, qui rapidement, la loi, ce qu'elle dit, c'est qu'elle permet à Hydro-Québec d'isoler les revenus qu'elle fait par les électromobilistes qui se rechargent. Donc, si vous mettez chez vous, en vous branchant dans votre auto, dans votre prise de courant, vous mettez pour à peu près 300-325$ par année d'électricité. Mais si on est en 2020 100 000 voitures telles qu'on pense l'être, ben Hydro-Québec fait 32 millions par année juste parce que les Québécois rechargent leurs voitures. La loi permet à Hydro-Québec d'isoler ce 32 millions-là de l'ensemble de ses revenus, ce qu'elle n'est pas supposée faire d'habitude, et de la réinvestir en infrastructure de recharge. Donc, ça donne des leviers pour mettre des bornes. À 50 000 la borne, 32 millions, t'en mets une puis une autre, là. Exact. Donc, ça fait des retombées, autrement dit, pour les électromobilistes qui voyagent sur les routes du Québec, de pouvoir profiter de plus de BRCC. Oui, puis qui pourront être situés sans pour autant que ça devienne hyper facile les mettre là où on veut, parce qu'il y a plein de lois, puis il y a plein de permis, de jurisprudence, de droits de propriété. Puis c'est je pense beaucoup. Que les gens sont pas conscients. J'ai un autre podcast qui s'en vient avec des gens du circuit électrique, on va expliquer ça plus en détail. Mais c'est complexe, mais à tout de moins, ça l'est moins maintenant. C'est-à-dire que le terrain où on met la borne, on n'est pas obligé d'avoir quelqu'un qui en paye la moitié. Si on a les permis pour s'installer là, Hydro-Québec va payer l'ensemble de ce que ça prend, puis va les installer. Et surtout, ça permet maintenant d'en installer plus qu'une à la fois. 2, 4, 6, 8 au besoin. Exact. Hein? Ça va être comme ça que ça va venir. Avec la superstation de Belleuil avec 4 BRCC, c'est rare, je passe souvent devant, mais c'est rare que je vois 4 véhicules en recharge en même temps et qu'il y a du monde qui attend. Donc, ça fait toute une différence. Donc, juste pour mettre des chiffres, en juillet dernier, il y avait 110 BRCC sur le territoire québécois. Et la première étape donc de ce projet de 1600 bornes d'ici 2028, si je ne m'abuse, ça va être 154 BRCC additionnels, donc qui s'ajoutent aux 110 actuels, d'ici 18 mois. Donc, ça devrait donner un. Puis là, par les temps qui courent, il en pousse quelques-unes par semaine, hein? Ah, exactement. Donc, c'est ce qu'on souhaitait voir avant l'hiver. Le mode d'installation a changé aussi maintenant. Des slabs de béton préfabriqués, l'installation se fait beaucoup plus vite. Des mises en service l'hiver, on ne voyait pas ça avant, donc ça, c'est très prometteur. Plus les automobilistes aussi vont avoir des bornes, des BRCC disponibles, accessibles aussi, plus ils vont être tentés d'aller vers l'électromobilité. Parce qu'il ne faut pas se cacher quand même qu'ils commencent à le voir eux aussi, là, qu'il y en a de l'attente dans le BRCC. Ils ne veulent pas vivre ça. Donc, c'est on sûr que plus on va en voir sur nos réseaux routiers au Québec, plus on... on va se rapprocher de la teinte. Bien située et annoncée, affichée. Exactement. Avec des, de l'affichage. Exactement. Ouais. Écoute, on est rendu au troisième, en troisième position. On se rapproche de la première place tranquillement, pas vite. Alors, troisième position, j'ai mis l'élection de la CAQ, donc la coalition Avenir Québec. Ça a été je dirais pas une course à la montre avec tout ce qui est au sujet de l'environnement par rapport à avec ce parti-là qui a été élu finalement. Mais ça a été beaucoup d'émotions parce que ça a été, il faut le dire, le parti qui était le moins impliqué au niveau de l'environnement et qui a fait le plus peur, je dirais, ouais, au niveau des électromobilistes. Avec raison. Aux futurs électromobilistes par rapport aux coupures qui auraient pu subvenir des subventions pour les véhicules électriques. On venait de vivre en Ontario avec le nouveau gouvernement de Doug Ford la coupure des subventions presque la semaine suivante son élection, qui était de 14 000 qui est passé à zéro. Et on ne voulait pas voir un autre un duplicateur se produire au Québec. Donc, je dirais que ça a été un gros événement au niveau des électromobilistes au Québec. Et finalement, ben en tout cas, à date, je dirais que... C'est pas Rob Ford. Non, c'est pas Rob Ford, au contraire. Et je dirais que même moi qui étais sceptique, je suis agréablement surpris de ce que je vois. Oui. Donc j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Mmh. Et je pense que tout le monde au niveau des électromobilistes au Québec qui ont suivi les élections, je pense qu'ils vont se ranger comme moi à se dire que ouais, ben finalement, il tient tête. Puis il n'y avait pas tant l'environnement dans les talons finalement. Mmh. On commence à voir... des petits signes là, de M. Legault qui commencent à sortir. Puis ça, je trouve ça intéressant. Donc, on va voir pour la suite, mais pour l'instant, ça, je trouve ça promet. Mélanie, tu vois ça comment? Ben, je m'arrange de ton côté. Moi aussi, François, agréablement surprise du discours, des actions qui ont été posées par le parti jusqu'à maintenant. Évidemment, sachant que l'environnement n'était pas un point important dans leur programme électoral, la prolongation du programme de subvention, l'implantation des BRCC accélérés depuis quelques semaines, un discours favorable à l'électromobilité aussi, c'est plutôt encourageant. Donc, espérons que ça va continuer en ce sens. Comme ça, oui. Ben, écoutez, je pense que vous avez raison. Maintenant, ce qu'on dit souvent à l'AVEC, puis je vais leur dire, c'est effectivement, c'est encourageant à date, mais restons prudents. Ce qu'on remarque, c'est que c'est un parti qui est très pragmatique. Il vibre peut-être un peu moins au vert que les autres partis, c'est-à-dire que c'est peut-être moins émotif, c'est plus analysé, c'est plus calculé. C'est-à-dire que je pense pas qu'ils vont enlever les subventions comme ça arbitrairement parce que, bon, on n'aime pas ça, mais ils posent un peu plus de questions. Ils veulent être certains que les mesures sont efficaces, que les programmes atteignent les objectifs. Font les bons choix. Exactement. Ouais. Et dans ce sens-là, on ne peut pas être contre la vertu. Notre travail maintenant, ça reste à leur démontrer ce qui marche bien, ce qui ne marche pas bien, puis travailler avec eux autres, améliorer, parce que nous aussi, ce qui ne marche pas bien, on veut l'améliorer finalement. Ouais. Mais c'est de rester vigilant, de leur donner l'information juste. Et je pense que le fait qu'ils n'aient pas mis l'environnement dans leur première priorité, du moins en campagne électorale, fait en sorte que on avait finalement que très peu d'informations précises sur leur positionnement face à un paquet de sujets. Puis les seules fois où ça leur a été posé, c'est dans des scrums ou dans des positions où, tu sais, c'était vite, vite, vite avec le micro en dessous du nez. Des fois, c'est difficile de se faire une idée à ce moment-là. Mais restons vigilants, mais disons que c'est pas l'hécatombe comme certains prédisaient, là, du moins pas à très court terme. Hein? Exact, exact. Ouais. Deuxième position. Ah là, c'est quasiment, on est quasiment rendu au roulement de tambour. Hein? J'ai mis l'environnement en deuxième position de façon générale, mais l'environnement au niveau, je dirais, global au Québec, qui est même à travers le monde discuté comme jamais. Présentement, on voit depuis, je dirais, un an, là, au niveau des véhicules électriques, on commence à toucher de plus en plus la population de masse. Ça commence à apparaître à plusieurs niveaux. Et je n'ai personnellement jamais vu autant de gens et de mouvements au niveau environnemental se discuter, se jaser, autant au niveau politique qu'au niveau individuel, collectif, dans les villes, partout on en parle. C'est à la radio, Chose qu'on ne voyait pas souvent. Tu as des bribes une fois par-ci, par-là, mais là, c'est vraiment parti. C'est récurrent. C'est récurrent, vraiment. Et puis, veux pas, les véhicules électriques font partie de ce discours-là. Parce que c'est pas la solution, mais c'est une des solutions. Et surtout au Québec, où notre consommation de pétrole est quand même assez élevée au niveau des véhicules, le véhicule électrique s'inscrit dans une des solutions. Donc, on en a beaucoup parlé. Il y a eu beaucoup d'articles et on en parle en bien, on en parle en mal. Et quand on en parle en mal, veux pas, la communauté électromobiliste est reconnue au Québec pour réagir. Donc, autant que soit par l'AVEC, par différents organismes, ou que ce soit Équitaire, ou des individus aussi, là, des propriétaires de véhicules électriques qui s'affirment sur des forums ou des groupes Facebook pour venir à l'encontre de ce qui est mal véhiculé au niveau des informations qu'on reçoit. Donc, ça a été assez riche en émotions, je dirais, à ce niveau-là aussi. Surtout dernièrement, avec certains articles, par exemple, de Radio-Canada, qui ont frappé assez fort. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de discussions par rapport à ça. La mobilisation, il y a eu une mobilisation assez forte, justement. Ouais. À propos de cet article-là, on en a parlé dans les derniers mois, c'est tout frais encore, je dirais. Exact. Il y a eu des très grandes mobilisations, c'est-à-dire que plusieurs intervenants du milieu, même des gens qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole sortir, publiquement dans des trucs comme ça, justement suite à l'article de Radio-Canada, sous une petite équipe là, formée justement avec Daniel Breton et plusieurs autres personnes influentes du milieu. Il y a une lettre de réponse qui a été envoyée, mais dans cette lettre-là, des signataires de la lettre, là, outre l'AVEC, bien sûr, on était là, mais il y avait France Lampron du circuit électrique, il y avait Karim Zaghib de l'Institut de recherche en électricité du Québec. C'est un des chercheurs scientifiques les plus prolifiques à l'échelle mondiale dans le domaine des batteries puis de... qui servent à faire avancer des véhicules électriques. Tu as des Mobilité électrique Canada, Pierre Langlois, le docteur François Reeves, André Bellil de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique. Plein de gens se sont mobilisés. Donc, c'est un sujet qui, on sent que c'est sensible, c'est très sensible. Puis je pense que tu as raison. Que ce soit le pacte ou un paquet de trucs de ce temps-là, jamais on a autant parlé d'environnement. Et par le fait même, ça met le véhicule électrique dans la liste, le cocktail de solutions le possibles. Loyer, ouais, exact, ouais, c'est exact. Ça, c'est ça. Il faut profiter de ce momentum-là pour en parler le plus possible. Ma chère Mélanie, toi, par rapport à cet élément-là? Par rapport à la désinformation, en fait, des fois, moi, je me demande s'il n'y a pas un lien avec l'augmentation des ventes des véhicules électriques et l'intérêt grandissant des consommateurs. Est-ce que l'industrie pétrolière se sentirait un petit peu menacée? Ah, ça se peut. Moi, je pense que, en tout cas, il y a peut-être un petit lien à faire là, mais aussi, je veux pas, au niveau des journalistes, est-ce que c'est tout simplement, des fois, un manque d'information? Je veux pas nécessairement leur attribuer des torts ou dire qu'ils font leur travail à la légère, je sais pas, mais il reste que nous, par la suite, avec l'association, ben oui, on doit... Pédaler ramener ça. Exactement. Ouais. Donc, je trouve ça malheureux. Des fois, ça peut donner des arguments un petit peu absurdes aux automobilistes qui sont réfractaires au changement, alors que finalement, la réalité est tout autre. Ouais, souvent, on voit les membres des membres de l'association de l'AVEC, autant que des électromobilistes un peu partout qui vont rectifier le tir. Ouais. Mais on voit aussi beaucoup plus l'AVEC depuis un an. Intervenir dans des situations comme ça, effectivement. Faut le dire, l'AVEC, ça fait 5 ans quand même. Là. Ils ont fêté leur cinquième anniversaire. C'est notre cinquième année, cette année. Jeune association. Mais qui commence à prendre. En tout cas, moi, je trouve, personnellement, j'en entends de plus en plus parler au niveau des médias parce que commence à prendre pas mal de place au niveau. De l'information qui est véhiculée par rapport au véhicule électrique. As-tu été un peu plus... Disons que cet événement-là, ton élément 2 où tu parles d'environnement, mais particulièrement quand tu parles de l'article de Radio-Canada, ça fait partie des matins où je pars travailler puis j'ai aucune idée de ce qui m'attend. Là. Puis quand j'entends à la radio en m'en allant qu'il y a eu un article comme ça et qu'on en lit des extraits, je sais pertinemment que ma journée se passera pas comme j'avais prévu. D'ailleurs, cette journée-là, j'étais obligé de prendre congé. Pour répondre, parce que à 11h le matin, j'étais rendu à une dizaine d'entrevues, de demandes d'entrevues. Okay. On parle de Radio-Canada, mais Radio-Canada, c'est Radio-Canada Montréal, Radio-Canada Abitibi, Radio-Canada le Saguenay, Radio-Canada Québec. Québec. Ouais, ouais. Et ça, c'est à part TVA, Le Devoir, ouais, c'est ça. Donc, c'est ça happe de plein fouet, mettons. Mais en même temps, c'est aussi notre rôle là, d'être capable de donner l'enjeu dans des trucs comme ça, puis de rectifier, de donner de l'information par manque, parce qu'il y a un manque d'information, c'est une chose. De donner de l'information pour ramener le tir parce qu'on a donné une information. Puis, tu sais, comprenons-nous bien, là, je porte pas de jugement, là, vous me direz que oui quand même, là, mais c'est quand un reportage sérieux de Radio-Canada cite une étude sérieuse et lui fait dire quelque chose qu'elle ne dit pas, c'est difficile après ça pour moi avec le tu sais vous me connaissez là dans le monde des autos électriques, mais mettons qu'on s'entend que quand je passe aux nouvelles, les gens disent pas ah Martin Archambault là. C'est difficile de ramener ça parce que sont considérés comme sérieux, tu comprends. Ils ont d'ailleurs, en fait, moi ce qui m'a aidé à donner de la crédibilité à mon propos, c'est de citer eux-mêmes dans d'autres reportages qu'ils ont fait, citer par exemple ce que Découverte et Charles Tissant, dans un reportage, disait sur l'auto électrique, qui est exactement le contraire de ce que ce reportage-là disait. Ben, dans le fond, je démontrais l'incohérence en disant, ben, il y a quelque part, vous vous êtes trompé, Radio-Canada, vous avez dit blanc avec Charles Tissant, là, vous dites noir avec ce monsieur-là. Donc, probablement qu'il y a une erreur quelque part. Fait que j'ai utilisé ça, mais c'est difficile de ramener un reportage, entre guillemets, crédible. Et ça nous amène aussi à réfléchir sur combien de sujets dans la vie quotidienne, on entend des reportages, puis qu'on prend ça pour du cash parce qu'on connaît pas ça finalement, puis on se dit que ça doit être ça la vérité. Exactement. Même des propriétaires de véhicules électriques, on voyait des commentaires de propriétaires de véhicules électriques commenter puis dire ouais, j'ai acheté un véhicule électrique, mais là je lis ça, puis je suis en train de me poser des questions. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien fait? Alors imaginons madame, monsieur, madame, tout le monde qui connaissent pas ça, puis qui lisent ça, puis qui disent ben. Ben dans la semaine de cet article-là, il y a des concessionnaires automobiles qui confirmaient que ça avait eu un impact. Les clients qui arrivaient posaient des questions qu'ils posaient pas la semaine d'avant. Hein. Je sais que tu aimes rester très humble dans ces affaires-là, mais chapeau à l'avec, chapeau à toi, Martin, de rectifier le tir, parce que c'est un travail, de moine là, que vous faites. C'est pas évident, puis je pense que la communauté électromobiliste, les membres avec, et bref, tous les propriétaires de véhicules électriques l'apprécient énormément. C'est un mal nécessaire de se lancer là-dedans. Ouais, il faut faire face à la musique. Faire face à la musique, là, exactement. Écoute, là, c'est le roulement de tambour parce qu'on est rendu à l'événement le plus important de 2018 dans le monde de l'électromobilité, selon l'illustre François Viau. Ben écoutez, ça n'a pas été facile au niveau de la dernière position, puis de jongler avec tous ces points-là, parce que ça a tellement eu un impact à différents niveaux. Mais j'ai mis la dernière, la première position au niveau de la Tesla Model 3. La sortie au niveau de la Tesla. Parce que l'année passée, on avait mis dans notre top 10 quelque part les gens qui c'est ça qui pouvaient maintenant placer leur commande et là on est dans les livraisons. On était dans la livraison. Alors, on se rend compte à quel point que ça bouge vite dans l'électromobilité. Là, un an, les gens plaçaient des dépôts pour avoir leur Tesla Model 3 par coup de 100 000 propriétaires à la fois. Je pense qu'il y a eu un total de 400 000 et plus de dépôts qui a été fait au niveau de la Tesla Model 3. Donc, les gens l'attendaient, particulièrement au Québec. Et les livraisons ont finalement commencé au Canada en juin. Donc, en juin, il y a été, je pense, c'est autour de 1800-1900 Model 3 qui ont été livrés. Et en août, Tesla produisait à cadence de 5000 voitures par semaine. Donc, ça y allait par là. Et il y a eu beaucoup de livraisons qui se sont faites par la suite au Québec et au Canada. Donc, ça a été une voiture extrêmement prisée. Je dirais pas que c'est une voiture nécessairement qui est encore pour monsieur, madame, tout le monde au niveau du prix, parce que les versions qu'on appelle mid-range, donc de qui est plus accessible, je dirais, pour au niveau de la, du prix, n'était pas encore disponible. Ça a été plutôt les versions plus équipées. Les hauts de gamme avec la grosse batterie, tout ça, ouais. Donc, ça revenait quand même à des voitures autour de 65 000 et plus au niveau plus du taxe. Prix. Plus taxes. Donc, pas ouais, plus haut. C'est ça. Donc, mais malgré ça, donc, Tesla a livré quand même la marchandise au niveau de, ouais, des véhicules cet été. Et on ça, doit admettre et ça que ça livre à vitesse grand V. Ça continue à livrer à très grande vitesse. Les gens semblent vraiment satisfaits. Donc, effectivement, c'est un... Et ça a passé d'une voiture qui n'avait pas du tout sur les routes à l'une des voitures les plus vendues. Dans nos dernières statistiques de la VIC, là, elle était située dans les... Je pense qu'elle était dans les 10 voitures les plus vendues, alors qu'elle n'existait pas 3 mois avant. Exact. Et pensez-y, là. Ouais. Et j'ai hâte de voir les statistiques. On a eu les statistiques pour le mois de septembre. On va avoir les statistiques en début d'année prochaine. J'ai hâte de voir où elle va être située, mais elle va sûrement se retrouver dans le top 5 des voitures les plus vendues à très, très, très, très court terme. Donc, les pronostics de vente de cette voiture-là défient tout entendement. C'est pas, puis tu le dis, c'est pas des voitures bas de gamme là, en termes de prix. Non, c'est pas une voiture dans. C'est vraiment des voitures qui, qui sont probablement qui font compétition à tout ce qui est BMW de classe moyenne, là, je dirais, et de série 3 et tout ça. C'est un marché qui est plus au niveau des voitures de luxe, mais qui fait mal à ce marché-là, ouais. Parce qu'aux États-Unis, présentement, toutes les voitures de cette catégorie-là se font pratiquement dépasser par Tesla au niveau des modèles 3. Donc, c'est assez impressionnant. Faut dire qu'au fur et à mesure qu'on avance, par exemple, en octobre, la production de la version mid-range, qui est à 58 000 $ a été rendu disponible. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, d'autres modèles de Tesla plus abordables vont être disponibles. Donc, d'autres propriétaires... Juste expliquer, on est toujours dans la Tesla 3, mais une version moins chère de la Tesla 3 parce que la batterie est moins grosse, exact. Essentiellement. Exact. Il y a aussi des versions juste à propulsion, il y a des versions 4 roues motrices, etc. Donc, ça a des impacts sur le prix. Puis, il y a une version avec une petite batterie qui devrait permettre là, de la vendre aux alentours de... 45 000 ouais. Quelques dollars. Donc, ce qui devrait permettre à encore plus de gens de pouvoir en profiter. Donc, à suivre. Exactement. Donc, l'arrivée du modèle 3, je pense qu'on faut pas s'en cacher, secoue l'industrie automobile dans son ensemble. Donc, les autres fabricants aussi, là, on voit qu'ils sont sur les traces de Tesla, veulent produire, veulent sortir des véhicules comparables. Puis c'est très positif là, de voir ce que Tesla apporte sur nos routes, que ce soit au Québec ou ailleurs dans le monde. Puis même nous, au niveau des essais routiers, on le voit. Mm-hmm. Les gens veulent essayer la Tesla Model 3. Il y a un aura autour de ça. Là, nos propriétaires de Tesla Model S sont un petit peu, pas mis de côté, mais bon, disons qu'ils sont moins sollicités que nos propriétaires de Model 3 là, au niveau de l'association pour finalement là, découvrir ce nouveau modèle. Les gens sont intéressés, sont curieux. Mais, comme tu dis, avec l'arrivée des modèles moins dispendieux aussi, il y a un engouement qui est là, c'est clair. Les gens sont intéressés par la Model 3. Et depuis ses débuts, en fait, Tesla donne un gros coup de pouce au niveau du développement, la promotion des véhicules électriques. Volontairement. Ils n'ont jamais été... Elon Musk a toujours positionné Tesla comme n'étant pas un compétiteur des autres marques de véhicules électriques. En rendant les brevets disponibles, en disant si les autres marques peuvent en vendre, on travaille tous dans le même sens. Exact. Bon, on comprend qu'au final, c'est une entreprise, puis l'entreprise, il faut qu'elle fasse de l'argent. Mais je pense qu'Elon Musk n'a pas besoin de Tesla pour faire son argent. Il y a eu plein d'autres entreprises avec lesquelles il a fait ses sous. Ça reste que c'est une approche qui est différente, totalement, à tout point, parce que Tesla, il faut se le dire, c'est la seule compagnie de véhicules présentement qui vend que du 100% électrique et qui n'est basée que là-dessus et qui, comme tu dis, a ouvert ses brevets. C'est un open book pour les autres manufacturiers. Ouais. Ils ne demandent pas mieux que ce que l'industrie les suive, dans le fond. Donc, et c'est ce qui arrive, parce que, veux, veux pas, comme on disait tantôt, les ventes paraissent dans le livre des autres manufacturiers. Ouais. On l'a vu aussi au lancement de la Model 3, où ce qu'on avait une file qui faisait la rue au complet là, de Tesla et qui passait devant le concessionnaire Mercedes à ce moment-là. Ouais. Disons que ça... Juste là, il y avait un message qui était envoyé. Là. Il devait juste pas en revenir. Mais bon, on voit de plus en plus de modèles, pas juste des prototypes, mais des modèles qui sortent et qui... Des constructeurs qui démontrent vraiment l'engouement pour les véhicules électriques. On a juste à penser à la Jaguar I-Pace, qui est maintenant disponible, qui est une concurrence à Tesla, dans le fond. Donc, non, ça devient vraiment de plus en plus intéressant. Ben, surtout dans ce niveau de voiture-là, tu l'as dit tantôt, si ça se compare à une Mercedes, pas une Mercedes, à une BM. Moi, je pense que Tesla, il tape vraiment dans le tal de BM puis de Mercedes. Et d'ailleurs, on voit les chiffres des Allemandes de luxe piqués du nez. Et Audi. Et Audi, en même temps que Tesla monte. C'est-à-dire que on n'a pas augmenté le nombre de personnes qui achètent des autos. On transfère un type d'achat vers un autre type d'achat. C'est pas les gens qui ont 20 000 de revenus par année qui achètent une BMW ou une Mercedes. Des gens qui gagnent plus, mais ces gens-là, là, ils ont le choix. Exact. Ils peuvent s'acheter leur Mercedes ou leur BM, ou ils peuvent s'acheter une Tesla. Ils essayent la Tesla, ils font comme « Oh, wow! » Ils achètent la Tesla, tu comprends? Quitte à mettre ce montant-là, ils vont le mettre sur une auto qui vont les faire triper. Fait que c'est vraiment là, un chiffre total, puis les entreprises de voitures à essence sont en train de migrer, mais ils sont en train de faire là ce que Tesla a fait il y a quand même, tu sais, pas 10 ans, plus mais pas loin. Ans, ouais. Pas loin de 10 ans, ouais. Donc, ils ont du retard à leur rattraper. Ils ont par contre un know-how, ils ont par contre des usines, ils ont par contre des employés, ils ont des chaînes de montage, ils sont équipés. Ils sont juste comme un peu tard, tu comprends? Exact. Fait que là, reste à voir s'ils vont rattraper et être capables de se rembarquer dans la course ou s'ils vont carrément se faire sortir de la game. Mais c'est. Ça peut. Il y a peut-être certaines marques de voitures de luxe de ces catégories-là qui vont complètement sortir du marché qu'ils n'auront plus assez d'acheteurs. Hein. Qui vont en souffrir un peu, puis ils vont probablement s'adapter aussi, comme tu dis. Puis l'histoire l'a prouvé, tout ce qui sort au niveau des voitures de luxe, que ce soit des options, des paramètres, tout ça, finit par éventuellement descendre sur les voitures plus bas de gamme. Fait que ce qu'on voit présentement avec Tesla et les voitures de luxe à longue autonomie, demain. Dans un an, deux ans, trois ans, ça va devenir les voitures que nous, on va conduire. Tout à fait. Et eux autres vont aller encore plus loin. Donc, je trouve que c'est un marché intéressant qui se développe. On est en pleine transition, mais comme on a dit un peu plus tôt dans le podcast, cette année, je vois vraiment, personnellement, une transition sur la population de masse au niveau des véhicules électriques avec les différents modèles qui sortent, autant la Ioniq, la Leaf, tout ce qui est voiture à 200 km d'autonomie et plus, ça commence à intéresser pas mal. La Kona qui s'en vient, la Niro, on semble tomber dans les prix pas mal qui avoisinent celle de la Leaf comme la Ioniq. Là. Donc, même avec des autonomies qui vont dépasser les 350 km. Donc, ça évolue extrêmement vite. Ouais. Tranquillement, on va en voir dans le marché d'occasion aussi, ces autos-là vont faire tourner finalement les Puis là, dans l'occasion, on a beaucoup des voitures de première génération, des livres 2011, 12, 13. Là, on va commencer à avoir des voitures avec une plus grande autonomie se ramasser dans le marché d'occasion qui va rendre ces voitures-là plus attrayante, hein? Parce que tu sais, on a tous eu des voitures, ben tous, nous autres, en tout cas moi puis François, toi là, t'es une voiture Ioniq étant qu'on neuf, mais on a eu des voitures plus vieilles où elle avait moins d'autonomie, mais on faisait avec, mais maintenant qu'on a des autos avec un peu plus d'autonomie, on reculerait pas, tu sais. Et là, ben les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter des voitures neuves n'ont pas tous un job ou un train de vie qui vit bien avec une voiture qui fait 75, 80, 100 km d'autonomie. Exactement, ils n'ont pas nécessairement deux voitures. Mais quand les voitures de 300 km d'autonomie neuve vont être dans le marché de seconde main, ils vont encore avoir une autonomie intéressante pour le seconde main. Ça va donner comme un deuxième souffle, je pense, aux seconde main qui va être intéressant. Exactement. Ben, on a fait un beau top 10, les amis. On est rendu, hein, qu'on est à la fin, je pense. On a tenu. On n'a jamais fait un podcast si long. Je m'excuse pour les gens qui sont dans leur auto, puis qui sont stationnés, puis qui attendent qu'on finisse avant de débarquer. Ouais. Ou sont dans le trafic, peut-être. Ouais, ils sont contents que ça dure un peu plus longtemps. Ouais, ouais. Alors, Mélanie Dugas, merci beaucoup de ta présence. C'est un plaisir, Martin. Merci. C'était de l'invitation. Bien plaisant. François Viau. Toujours un plaisir de t'avoir. Merci encore pour l'invitation. Ben c'était un plaisir. Un beau top 10. On finit tout ça avec un petit chin. Un petit chin. Hein? On souhaite joyeux Noël à tout le monde. Ouais, ouais, joyeux Noël, tout le monde. Amusez-vous bien. Et puis, comme je vous ai dit précédemment, on va faire un petit relâche du podcast pendant. On va sauter un épisode, dans le fond. Fait qu'étant donné qu'on est aux deux semaines, ça va faire un petit mois de vacances que je crois humblement avoir mérité. Donc, on vous revient tout de suite pour le mot de la fin. Ceci conclut la présente balado-diffusion. L'AVEC remercie tous les collaborateurs, particulièrement Mélanie Dugas et François Viau pour leur participation aujourd'hui. La reproduction ou la diffusion d'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec apprécierait en être avisée. Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à martin@aveq.ca et pour les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info@aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez le www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au www.aveq.ca/silence. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz-vous aussi, silence, on roule!